Oh ben tiens, voilà les Durand. Avec leur belle literie. Avec belle literie, vos nuits sont plus belles que vos jours.